Livre 7e. Conclusion générale. Inoculation, hospices spéciaux. Lorsqu'on a inventé la vaccine, on n'en était point aux recherches désespérées, la petite vérole n'était pas alors, comme on pourrait le croire aujourd'hui, d'après le dire des vaccinateurs, un fléau sans digue et sans remède. Non, le vaccin n'est pas venu comme le serpent de Moïse, au milieu d'un désastre que rien ne pouvait conjurer, il n'est pas venu d'un seul trait tout sauver, tout calmer, tout guérir, non. On n'attendait pas le vaccin, non, on ne le demandait pas, le besoin ne s'en faisait pas sentir, la petite vérole était déjà fort modifiée, et les accidents étaient très rares. La médecine marchait sur ce point dans une voie normale de progrès, elle avait adopté l'inoculation, et ce système, sans accomplir absolument les desseins de la nature, rendait pourtant d'incontestables et immenses services. C'était la petite vérole transmise artificiellement et dans de bonnes conditions, l'éruption, comme nous verrons tout à l'heure, était plus faible, la crise sans gravité. On en était quitte pour 20 ou 30 boutons. Et cette épuration, insuffisante peut-être pour la bonne, et complète décharge de nature, comme dit Ambroise Paré, suffisait pourtant à vous préserver sûrement de la grande crise, et n'entraînait aucune des conséquences funestes du vaccin. Mais aux premières années du siècle, commençait déjà la divagation de la médecine, le goût des systèmes, des théories brillantes, ce n'était plus le progrès lent et sérieux des anciens, leurs observations précises, leurs dogmes prudents, on était disposé, non pas à regarder seulement la nature, mais à inventer à son propre usage, une nature toute nouvelle pour faire rentrer de vive force, les faits dans un réseau d'idées préconçues. On se mettait, non plus à user de l'expérience patiemment capitalisée par plus de 20 siècles, mais à imaginer la médecine, je ne sais quelle médecine de fantaisie, tout comme on imagina trop longtemps des systèmes de philosophie. La théorie complète nous échappe, le Créateur s'est réservé le secret de son œuvre. Or, au lieu de se contenter de ce qu'il nous permet d'entrevoir, de suivre autant que possible cette lumière, insuffisante sans doute pour assurer la science du médecin, mais qui au moins ne nous égare jamais, on a préféré imaginer des théories à tort et à travers. Plus d'une fois on a cru pouvoir simplifier le traitement, comme on avait simplifié en théorie, toutes les questions préliminaires, et toujours une expérience cruelle venait bientôt brûler. Le novateur et l'innovation, et faire comprendre de loin en loin que tout est erreur, quand on s'écarte de la ligne indiquée par les anciens. Ainsi entre autres fut mis en faveur, le vaccin à titre de découverte brillante, de succès fabuleux, il devait bien vite remplacer l'inoculation qui, modeste comme la raison, ne promettait que ce que pouvait tenir la nature. Or voilà qu'aujourd'hui aussi, apparaît trop clairement le défaut du vaccin. Revenons donc au principe, comme on a toujours dû y revenir après avoir plus ou moins longtemps sacrifié à tous les systèmes la santé et la vie humaine, revenons à l'inoculation. L'antiquité même de l'opération en montre assez l'excellence, l'inoculation a été pratiquée sous mille formes, mais elle n'a jamais cessé d'être pratiquée. Les Chinois, nous l'avons dit, la semaient, pour eux, l'inoculation Chuntu, consistait à prendre deux ou trois croûtes des pustules, appartenant à un enfant sain et robuste, à les réduire en poudre et à les appliquer sur un petit morceau de coton, qu'ils introduisaient dans les narines du sujet qu'ils voulaient inoculer, ils maintenaient ainsi ce tampon jusqu'à ce qu'il n'y eût plus doute sur la contagion. Le docteur Kirkpatrick, dans son analyse de l'inoculation chez les Chinois, prétend qu'aujourd'hui, au lieu de se servir des croûtes des pustules desséchées, il trempe un petit morceau de coton dans la matière fraîche et fluide des pustules varioliques, et qu'il l'introduit sur le champ dans le nez. En Afrique, dans l'intérieur du continent, au Sénégal, et chez beaucoup de nations noires, l'inoculation de la petite vérole, est pratiquée de toute antiquité. Kassemaga, envoyé de Tripoli à Londres, sous le règne de George Ier, déclara que l'inoculation de la petite vérole, était si ancienne dans son pays, que personne ne pouvait en dire l'origine, et qu'elle était pratiquée, non seulement par les habitants des villes, mais aussi par les Arabes errants. Voici la forme de l'opération en usage en ce pays, on conduisait le sujet à inoculer chez un variolé, dont les pustules étaient arrivées à leur complet développement, l'inoculateur faisait une légère incision entre le pouce et l'index de chaque main, imprégnait ces incisions de pus, pris dans une des plus larges pustules du variolé, et couvrait la plaie avec un mouchoir pour le garantir du contact de l'air. L'éruption se développait ordinairement du 4e au 5e jour. On lit dans le voyage de Bruce Source du Nil, que l'inoculation est pratiquée dans la Nubie, de temps immémorial, par des négresses ou arabes de Shiloh, de Nubar, de Guba, et par des esclaves de toute espèce qui viennent de Dira et Tegla. Ce procédé s'appelle Tishkre et Tidere, ou l'achat de la petite vérole. Ces femmes la communiquent au moyen d'une bande de toile de coton, qu'elles ont imprégnée de pus variolique, et qu'elles attachent au bras du sujet qu'elles veulent inoculer. Ce qu'il y a de certain, ajoute ce voyageur, c'est qu'il n'y a pas d'exemple, soit au Sénart, soit en Abyssinie, de récidive de variole. Au Bengale et dans l'Hindoustan, l'inoculation se pratique, aussi de temps immémorial de la façon suivante, on prend un cordon de soie torse imbibé et pénétré de matière variolique, on l'enfile dans une aiguille et on le passe dans l'épaisseur de la peau qui couvre le mollet, on le retire le troisième ou le quatrième jour, et c'est ordinairement du cinquième au sixième jour, que les premiers symptômes se manifestent. Suivant d'autres auteurs, il est encore dans ces pays mêmes, un second procédé exercé par une tribu particulière de Brahmes. Après avoir ordonné un certain jeûne de préparation, ces prêtres vont de maison en maison, et font l'opération sur le seuil de la porte, ils inoculent les hommes sur la partie externe de l'avant-bras et sur le coude, et les femmes sur les bras. Après une friction de 8 ou 10 minutes avec une pièce d'étoffe, l'inoculateur pratique des incisions très superficielles, et applique sur les plaies un peu de coton imbibé de pus variolique, et arrosé de 2 ou 3 gouttes d'eau du Gange. Pendant le temps que dure cette opération, il ne cesse de répéter certains passages d'un livre sacré auquel les Brahmes donnent 3367 ans d'ancienneté. Le lendemain matin, on doit verser de l'eau froide sur la tête et sur le corps de l'inoculé, et recommencer ainsi tous les jours jusqu'à ce que la fièvre paraisse. On ordonne aux malades d'ouvrir leur pustule avec une épingle, aussitôt qu'elle commence à changer de couleur, puis ils prescrivent l'abstinence de poisson, de beurre et de viande. Ces instructions données, le Brahme exige de l'inoculer un porja, à titre d'offrande à Goloka Agoran, c'est-à-dire à la déesse qui préside aux pustules. Rien, il me semble, ne peut prouver mieux l'éternité de la petite vérole, que des cérémonies religieuses s'y rattachant. Et l'inoculation pratiquée avec un égal succès dès les temps reculés jusqu'à la fin du siècle dernier, doit nous inspirer toute confiance, elle s'appuie d'ailleurs, comme on peut le voir, sur les meilleurs témoignages de la plus longue expérience, elle a pour garantie les plus grands noms du siècle dernier, les premiers propagateurs de l'inoculation en Europe sont Boerhaave, Morgagni, Jurin, Méa, Pringle, Middleton, La Condamine, D'Alembert, Antoine Petit, Voltaire, Uxam, Gobiu, Tronchin, Dodard, Chirac, Helvétius, Falconet, le célèbre évêque de Londres Warburton, etc. L'inoculation présentait un seul inconvénient, il pouvait arriver, et il arriva même quelquefois, que la petite vérole très bénigne des inoculés, était propagée par simple contagion. On obvia bientôt à cet inconvénient en isolant les inoculés dans des maisons spéciales. En 1774, la famille royale et la cour de France se firent inoculer, l'opération qui eut un plein succès, parut alors tellement simple, tellement inoffensive qu'elle fut, sans l'appât des primes, immédiatement popularisée. On ne se donnait même plus la peine de subir un traitement préparatoire, ni de prendre la moindre précaution, et nombre d'inoculés affectaient de sortir, et de se promener pendant la période d'éruption. Catherine, impératrice de Russie, écrivait à Voltaire, « C'est bien la peine de faire tant de bruit pour une pareille bagatelle, et d'empêcher les gens de se sauver la vie si aisément et si gaiement. » Elle se promena en voiture pendant le cours de son inoculation. C'était charmant, on trouvait je ne sais quelle satisfaction à braver un ennemi terrible, auquel l'art avait coupé les griffes. De cette opération inoffensive, la mode avait fait une fantaisie, qui, pour quelques personnages excentriques, semblait ne pas manquer d'agrément. En réalité, on en était quitte à bon marché, car on payait à fort bon compte en quelque sorte une prime d'assurance. Ce préservatif était rationnel, sérieux, on peut presque dire infaillible, car le docteur Matty, dans un mémoire qu'il publia sur l'inoculation, et qui fut imprimé à Londres en 1764, dit que sur 200 000 personnes inoculées dans les États britanniques, on avait pu jusqu'à ce jour apporter un exemple certain de récidive variolique. Par le fait on payait ainsi réellement le tribut à la nature, c'était bien la petite vérole, mais dans des conditions si douces que certains tempéraments chez lesquels il n'y avait pas lieu à élimination, éprouvaient simplement une fièvre variolique, à peine accompagnée de quelques pustules. Constatons donc les immenses services rendus par l'inoculation jusqu'au moment où le vaccin est venu prendre sa place. Si cependant on veut comparer à cette éruption produite artificiellement le travail spontané de la nature, il faudra bien reconnaître qu'au point de vue de la perfection accomplie de l'économie humaine, il y a une différence notable tout à l'avantage de la petite vérole naturelle. Mais, hâtons-nous de le dire, nous reconnaissons qu'on ne peut trouver, comme rationnellement un meilleur préservatif de la petite vérole, que l'inoculation par la méthode abandonnée au commencement de ce siècle. Pour le prouver, nous ne savons rien de mieux que d'exposer et de faire suivre pendant la durée de son développement, l'affection variolique inoculée. Nous avons montré la petite vérole dans les conditions naturelles, il sera donc facile d'établir une comparaison utile. Dans les derniers temps, l'inoculation, dont le mode opératoire avait été perfectionné, se faisait au moyen d'un petit nombre d'insertions du virus variolique pratiqué avec une lancette, exactement comme il a été d'usage depuis pour le vaccin qui a emprunté à sa devancière, et la forme et les détails opératoires. Il est inutile de dire que l'opération est fort bénigne, maintenant, quant à l'action du virus, elle n'est pas immédiate, seulement, à la fin du second jour, on commence à l'aide d'une loupe à apercevoir, à chaque point d'insertion du germe variolique, une petite tache rouge semblable à une piqûre d'insecte. Le troisième jour, la tache, toujours invisible à l'œil nu, s'élargit pourtant et présente déjà au toucher toutes les apparences d'un petit tubercule. Le quatrième jour, le tubercule a pris au toucher la forme d'une lentille. En réalité, l'examen à la loupe le prouve, ce tubercule est une petite vésicule remplie d'une humeur claire et séreuse. Le cinquième jour, le phénomène est mieux caractérisé, et l'on peut l'observer à l'œil nu. Le sixième jour, la pustule, d'abord rouge, blanchit et s'affaisse, il se produit alentour une aréole rouge, et on remarque une petite inflammation locale, le point d'insertion devient douloureux, parfois seulement sensible au toucher. Le huitième jour, la période d'incubation est accomplie, le huitième jour enfin le virus a germé, dès lors, il généralise la maladie qui jusque-là a paru toute locale, on voit se développer d'une façon inoffensive, les symptômes ordinaires qui caractérisent l'invasion de la variole naturelle. Cet état annoncé précède l'éruption générale, qui commence au visage et s'étend successivement au cou, à la poitrine et aux membres. Du reste, cette éruption ne se produit pas toujours d'une manière aussi complète. Ordinairement elle se compose, en moyenne, de 20 ou 30 boutons qui, dans l'espace de 3 jours, entrent en suppuration, l'éruption est trop faible, le plus souvent, pour amener la fièvre, les boutons suivent paisiblement leur marge de développement et de dégénérescence, ils brunissent, se sèchent, disparaissent, et les inoculés ont traversé. Sans y songer, la phase la plus dangereuse de la variole. Ajoutons que les cicatrices sont nulles ou à peine perceptibles, excepté au point d'inoculation où la cicatrice est d'ordinaire fort marquée. On le voit, il est impossible de subir plus doucement l'épreuve inévitable. En effet, ces résultats sont à peu près infaillibles, on n'a pas été obligé d'inventer, comme pour le vaccin, la varioloïde afin d'excuser d'effroyables et nombreux accidents, il n'y a peut-être pas épuration complète, mais certainement il n'y a pas répercussion. On peut donc considérer avec sécurité, comme fait acquis, les conséquences suivantes de l'inoculation. On évite la petite vérole d'une manière certaine, la beauté est préservée, la santé à venir n'est pas compromise. Les bienfaits de l'inoculation peuvent se formuler en chiffres, la Condamine disait. La petite vérole est une loterie terrible, en inoculant, on change les conditions de cette loterie, on diminue le nombre des billets funestes, tous les siècles à venir environ honorent cette découverte. Car, ajouta-t-il spirituellement, la nature nous décimait, l'art nous millésime. Nous le répétons, en nous résumant, il n'y a point d'antidote à la petite vérole, il ne peut y en avoir. Payons notre tribut, il faut subir la loi de la nature, gardons-nous surtout du préservatif mille fois plus dangereux que le prétendu mal dont il préserve. Si nous tenons à atténuer la crise que le Créateur nous impose, au moins marchons dans le sens de la nature, co natura vergi, revenons au premier moyen, moyen rationnel, logique, revenons à l'inoculation. Si elle ne produit pas tout l'effet salutaire, si elle n'a pas l'action bienfaisante de la petite vérole naturelle, elle en supprime sûrement tous les accidents et jusqu'au moindre danger. 2000 ans d'une pratique continue, ne permettent de douter ni de l'efficacité, ni du caractère inoffensif de ce procédé. Le moyen donc de remédier immédiatement à la dégénérescence, serait de faire cesser les vaccinations, et de recourir à ce préservatif. D'établir à cet effet dans toutes les grandes villes, un hôpital d'inoculation. Dans cet hôpital on traiterait, non seulement les variolés, mais aussi les affections scrofuleuses, cancéreuses, tuberculeuses, les angines varioleuses et enfin les fièvres typhoïdes, en un mot toutes ces maladies résultat d'une lyme viciée, qui apparaissent tous les jours comme le cortège et le revenu régulier du vaccin. On traiterait enfin, dans cet hôpital, toutes les maladies que nous avons signalées comme ayant même origine, même principe, et qui doivent nécessairement appeler le même remède, la petite vérole. Les sujets atteints de ces graves affections, traités dans le même hôpital que les varioleux, viendraient naturellement chercher le salut dans cette atmosphère terrible, devenue thérapeutique. Là, grâce à l'influence variolique, comme nous l'avons montré, les phtisiques, rien n'est-il plus douloureux que de voir arriver les phtisiques dans les hôpitaux ordinaires? Ils y entrent, tout le monde sait qu'ils n'en sortiront pas, qu'ils n'y obtiendront même aucun soulagement malgré tous les meilleurs soins. Ils viennent chercher là un air vicié, saturé d'exhalaisons animales et putrides, par la réunion dans la même salle de nombreux malades, rien n'est plus contraire à l'amélioration de leur état. Personne ne l'ignore, et pourtant il faut bien les recevoir, les garder, passer chaque jour devant leur lit, donner chaque jour de vains conseils, de vains encouragements, bienfaisance inutile, dévouement sans espoir, la dernière heure est prévue, trouverait un moyen d'élimination des tubercules, les scrofuleux une force et une voie d'expulsion de la lymphe surabondante, les cancéreux une épuration naturelle du sang. Enfin les sujets atteints des fièvres typhoïdes l'issue régulière du mal, l'action de cette atmosphère qui se dégage des pustules varioliques, absorbée par les voies respiratoires, ou par les pores même de la peau, est le principal agent de contagion variolique, nous l'avons désigné sous le nom d'aura variolica. Cette exhalaison est tellement pénétrante que je ne puis approcher du lit d'un variolé sans éprouver à la peau, et particulièrement à la face et sur les traces de ma varioloïde un sentiment particulier, un picotement suis-je ne ris. Maintenant, si l'on songe que le moyen curatif proposé par nous vient à l'encontre des maladies les plus redoutées, les plus communes aujourd'hui, devant lesquelles la science est restée impuissante, si l'on songe qu'il doit être le point de départ de la régénérescence, il faudra bien reconnaître la nécessité d'un hôpital tel que nous le demandons. Cet hôpital serait bientôt un des plus importants par le chiffre énorme des maladies de cette nature que nous observons aujourd'hui. Il aurait un double avantage, celui d'apporter un remède à ces épidémies qui, plus cruelles que toutes les autres, choisissent leurs victimes, s'adressent toujours à l'âge le plus intéressant de la vie humaine, et en outre celui de supprimer les dangers de la contagion, de la concentrer là juste où elle est salutaire et opportune, en un mot là où elle deviendrait un principe de guérison. Les autres hôpitaux seront débarrassés des miasmes pestilentiels apportés et répandus chaque jour par les sujets atteints de ces affections, qui seraient désormais isolés, et les pauvres malades qui viennent réclamer des soins pour des cas peu graves ne seraient plus désormais exposés, comme cela arrive journellement, à contracter un germe de mort. Dernièrement je visitais l'hôpital d'Amsterdam, où monsieur le professeur Suringard et le docteur Commanderité me signalaient le danger de placer dans les salles communes de médecine les sujets affectés de fièvre typhoïde. Monsieur Suringard les avait isolés dans des salles spéciales, mais les infirmiers étaient encore journellement victimes de leur service. Lors même de mon voyage, trois d'entre eux étaient atteints. Remarquons en passant qu'il serait facile d'oublier à cet inconvénient, en choisissant des infirmiers inoculés ou variolés. En 1746, on avait établi à Londres, pour l'inoculation, un hôpital spécial. Cet exemple avait été suivi à Bruxelles, et bientôt par toute l'Europe, il s'était formé des établissements où se pratiquait exclusivement cette opération. Or, l'hôpital que nous proposons d'instituer, présenterait non seulement les avantages de ces établissements, qui, de l'aveu des vaccinateurs, ont rendu d'énormes services, mais aussi commencerait à réparer les malheurs causés par le vaccin. Avant tout, renonçons au vaccin. Si nous pouvons seulement obtenir du gouvernement la suppression de cette contrainte, digne des temps barbares, qui livre d'autorité au vaccin tous les enfants, qui ne permet l'entrée dans les services de l'État, qui ne permet même les simples avantages de l'éducation publique, qu'au prix de cette funeste exigence, qui met la loi, ou plutôt une ordonnance imprudente, au-dessus de la conscience et du droit paternel. Si, dis-je, nous pouvons seulement obtenir le libre arbitre sur ce point, nous nous croirons assez récompensés de nos travaux passés, et aussi de la lutte à venir. Peu importe la résistance que je dois rencontrer, je m'y attends, car toute idée nouvelle est toujours plus ou moins violemment contestée, toute vérité, avant d'être vérité, reste plus ou moins longtemps à l'état de paradoxe, tout novateur, avant d'être accepté comme novateur, doit passer visionnaire. Il a contre lui ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ne veulent plus rien faire, et la foule de ceux qui ne comprennent pas. Pour arriver au grand jour, pour se faire reconnaître, il est obligé de pousser péniblement une effroyable trouée à travers la routine épaisse, la mauvaise foi, l'inintelligence.